Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour atteindre vos buts, quels qu'en soient les domaines, car vous êtes un être aux limites bien plus vastes que vous ne le pensez. Malheureusement, à cause de l'image que vous avez de vous-même et de l'image de vous-même qui vous a été donnée, il vous semble inimaginable d'avoir plein d'argent, d'être heureux en amour, d'avoir le travail dont vous avez toujours rêvé et même d'être en santé. Aussi, il est temps de vous débarrasser de tous ces boulets qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer depuis si longtemps, vous donnant parfois une bien mauvaise opinion de vous-même. Pour ce faire, nous retournerons ensemble dans votre passé à la rencontre de votre jeune vous-même, alors que vous aviez entre 0 et 12 ans, puisque c'est à cette époque que vous vous êtes programmé. Ainsi, nous pourrons rassurer cet enfant à propos de certaines situations et surtout l'aider à les comprendre et à les intégrer. Mais avec la maturité, le recul et la sagesse de l'adulte que vous êtes devenu. Je tiens à vous préciser qu'à chaque fois que j'emploierai le terme « enfant », il s'agira bien de l'enfant que vous étiez et non pas d'un enfant que vous avez pu avoir lors de votre vie d'adulte. De plus, en reprogrammant la toute première fois que vous avez vécu une situation problématique, vous reprogrammerez toutes celles que vous avez vécues ensuite. Par exemple, si vous vous êtes senti abandonné pour la première fois à l'âge de 5 ans et qu'ensuite ce phénomène s'est reproduit quand vous aviez 17, puis 30, puis 45 ans, en recadrant l'événement de vos 5 ans, vous traiterez en même temps, sans vous en apercevoir, les événements de vos 17, 30 et 45 ans. Impossible ? Très facile. Élargissons donc un petit peu les limites. Des milliers de gens dans le monde ont accès à des techniques incroyables depuis le milieu des années 70. On les appelle PNL et EMDR. PNL signifie programmation neuro-linguistique. Elle fut élaborée à partir de 1973 par le psychologue Richard Bandler et le linguiste John Grinder. Cette méthode est utilisée avec un immense succès dans bien des domaines. Son principe dominant est celui que je vous ai préalablement expliqué, à savoir de reprogrammer ce qui ne le fut pas correctement durant l'enfance. Le moyen employé est essentiellement à base de visualisation, comme nous le ferons dans les plages suivantes de cet enregistrement. Peut-être vous arrivera-t-il d'avoir l'impression que vous n'avez pas forcément vécu les événements dans le contexte décrit dans chaque exercice. Certes, mais lors des visualisations, ils réveilleront automatiquement vos programmations erronées relatives au domaine traité dans le chapitre. Donc, procédez comme je l'indiquerai dans l'enregistrement et le travail se fera quand même. Mais afin que ce travail que nous allons faire ensemble soit encore plus efficace, j'ai rajouté une seconde technique, l'EMDR. Ce qui signifie en français « désensibilisation et reprogrammation par le mouvement des yeux ». Cette technique extrêmement performante fut mise au point dans les années 80 par la psychothérapeute américaine Francine Shapiro, grâce à laquelle elle obtint de très nombreux prix scientifiques. Le principe est simple et très logique. Lorsque vous rêvez, visualisez quelque chose ou faites un recadrage de PNL, seul un hémisphère de votre cerveau fonctionne. Le droit si vous êtes droitier et le gauche si vous êtes gaucher. De fait, après avoir fait votre séance, vous vous sentez bien. Mais votre mental sait parfaitement que toutes les belles images qui ont défilé dans votre tête restent du domaine de l'imaginaire. Pour qu'il les considère comme réelles, comme vous étant véritablement arrivé, il faut que les deux hémisphères de votre cerveau fonctionnent en même temps. Et là, vous réécrivez l'histoire comme bon vous semble. Or, l'EMDR consiste justement à faire fonctionner les deux lobes de votre cerveau en même temps, simplement en passant la pointe d'un doigt, d'une baguette ou de n'importe quel objet un peu allongé, alternativement, devant vos yeux, à un rythme soutenu, durant la visualisation. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Attendu que c'est au thérapeute de le faire devant les yeux du patient durant la séance, et que je ne suis pas devant vous, nous procéderons avec l'autre solution prescrite par Francine Shapiro. En tapotant légèrement et alternativement votre cuisse droite avec votre main droite et votre cuisse gauche avec votre main gauche. C'est pour cette raison que je vous demande de pratiquer le contenu de cet enregistrement en vous tenant assis, le dos droit, avec les mains posées sur les cuisses. Main droite sur la cuisse droite et main gauche sur la cuisse gauche. Je vous dirai à quel moment commencer à tapoter et à quel moment arrêter. Durant ces tapotements, vous serez guidé quant au rythme à maintenir, comme ceci. Vous trouverez une méditation par grand thème de l'existence, et peut-être éprouverez-vous le besoin de revenir plus souvent à un thème qu'à un autre en fonction de votre passé et de votre histoire. Il n'y a aucun problème à cela. Néanmoins, il est fondamental que vous commenciez systématiquement chaque séance par la phase de relaxation se trouvant en plage 3 de cet enregistrement. Ensuite, vous pourrez travailler sur le ou les domaines qui vous semblent les plus importants sur le moment. Vous constaterez que la dernière plage est une méditation non pas guidée, mais semi-guidée. En effet, j'ai consacré les reprogrammations précédentes au domaine habituel de la vie, l'argent, l'amour, la forme, etc., etc. Mais je ne connais pas votre vie. Et peut-être avez-vous subi certains événements graves et traumatisants que le plus grand nombre n'a pas vécu et qui nécessitent pourtant d'être traités. Dans ce cas, cette dernière plage est faite pour vous, afin que vous vous débarrassiez une bonne fois pour toutes de l'impact qu'ils ont pu avoir sur vous et sur votre vie, même encore aujourd'hui. Enfin, ce programme ne vous dispense en aucun cas d'avoir recours ou de poursuivre un traitement avec un professionnel de la santé mentale ou physique. Il est simplement un outil supplémentaire que nous mettons à votre disposition. Grâce à cet enregistrement, vous allez enfin pouvoir vous libérer de tout ce qui vous empêchait de vivre ce que vous désirez depuis toujours. Des amours sereines, un travail épanouissant et dans lequel vous vous sentirez à votre place, de l'argent en quantité suffisante et pourquoi pas beaucoup plus, une forme physique constante. Alors je vous invite à vous installer confortablement, car je vous emmène à présent dans les couloirs du temps de votre vie.